comme le blanc, elle est comme les larmes me brûlent. Qui va m'entendre pleurer le Niagara? Je me décourage, les pénis stressés. Je désembrasse les lèvres qui autrefois me faisaient frissonner. Et moi, la main détendue dans le creux de la mienne, rougie de l'équimance de l'agonie. C'est l'été, mon frère. Ce sont les pluies de pollen et les cris d'enfants qui chahutent sous le soleil qui va désenfler mes soupirs, qui va polir les bris de verre. Cacher mes oreilles de ce silence qui hurle. Je veux pas qu'on m'accalme.